Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 14e instruction, pour la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. L'époux des sacrés cantiques s'adressant à son épouse bien-aimée l'invite par ses douces paroles à s'approcher de lui, « Venez, ô ma chère épouse, venez et vous serez couronnée. » Cantique 4, 8. Mais à qui s'adressent ces paroles? Il me semble qu'elles ne conviennent à nul autre mieux qu'à celle qui est la privilégiée entre toutes les créatures, l'unique, comme s'exprime l'amant divin, je veux dire Marie. Elle reçut cette touchante invitation le jour où elle fut élevée en triomphe au ciel, pour être couronnée par l'Auguste Trinité, qui voulut la constituer reine de l'univers, et en qualité de reine lui ceindre le front d'une couronne de gloire, qui ne fut ni ne sera jamais accordée à aucune autre pure créature. Ô ma tendre mère, réjouissez-vous donc, allez avec joie recevoir la couronne qui vous est préparée. Un accroissement de grâce sera déposé sur votre tête, et votre front virginal paraîtra entouré d'une couronne rayonnant de majesté, Proverbe 4, 9. Mais quelle est cette couronne que Dieu veut reposer sur votre tête? Cantique 4, 8. Que veulent dire ces paroles, sinon que vous paraîtrez le front saint d'une couronne éclatante, et composée d'autant de pierres précieuses, qu'il y a de pécheurs qui, d'abord féroces comme des lions, deviendront par votre entremise aussi doux que des agneaux, ou qui, couverts de taches comme le léopard, seront rendus par votre intercession blancs comme le cygne? Ah, s'il en est ainsi, nous concourrons aussi à former votre couronne de gloire, si, par votre moyen, nous parvenons un jour au salut, nous tresserons donc un jour votre brillante couronne. Mais en attendant, que pouvons-nous faire? Nous voulons dès à présent vous offrir une couronne en rapport avec notre pauvreté et notre misère. Ce sera une couronne de prière, de supplication que nous vous présenterons, avec la confiance que vous ne la rejetterez pas, si nous l'offrons d'une manière convenable. Ce sera la couronne de rose qu'il vous a plu de faire connaître à votre bien-aimé serviteur, Saint Dominique, lui enseignant la manière de vous l'offrir. Nous voulons donc la déposer à vos pieds, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie mortelle. Mon cher lecteur, dites-le-moi, n'êtes-vous pas résolu de vous joindre à moi pour offrir ensemble ce tribut d'hommage à notre bonne mère, à Marie, je l'espère, mais pour aider, comme je le puis, votre bonne volonté, je vais vous expliquer brièvement combien votre offrande sera agréable à la Sainte Vierge, ensuite je vous indiquerai avec la même brièveté la manière dont vous devez l'offrir. Pour comprendre combien la Sainte Vierge agrée cette couronne de prière, il suffirait de se rappeler que ce fut elle qui l'institua, et qui, par une bonté singulière, daigna en enseigner la pratique à son bien-aimé fils le patriarche Saint Dominique, dont elle se servit, si je puis le dire ainsi, comme d'un instrument pour manifester au monde sa volonté. Bien qu'il n'ait pas manqué de critiques prompts à soulever des doutes touchant l'origine du rosaire, néanmoins, comme le remarque sagement Benoît XIV, in festo saint rosaire, il n'existe aucun motif raisonnable de dérober une telle gloire à ce patriarche, et nous sommes suffisamment fondés à en croire tout ce que l'Église nous donne à lire dans les leçons du second nocturne de l'office de ce jour. Laissons donc nos critiques s'évertuer à leur manière. Aussi longtemps que le fait ne sera pas démontré faux, nous avons toujours le droit d'accorder à ces leçons la confiance qu'elles méritent. Or, elles nous apprennent que la très sainte Vierge elle-même fut l'institutrice du rosaire, et que saint Dominique ne fit autre chose que de découvrir au monde les intentions de cette tendre mère qui se plaît à être honorée de la sorte. Ce seul fait, dis-je, devrait suffire pour nous faire apprécier combien une telle couronne doit lui être chère et agréable, et nous inspirer la plus vive confiance dans la bonté avec laquelle elle daignera accueillir une supplique dictée de sa bouche. Et en effet, ne vous tiendriez-vous pas assuré d'être favorablement accueilli, si vous aviez à présenter à une reine une supplique quelconque, sachant qu'elle a été composée et dictée par elle, que non contente de l'avoir dictée, elle exhorte encore tous ses sujets à la lui présenter, à l'effet d'obtenir d'elle toutes sortes de grâces et de faveurs. Pourrait-elle ou voudrait-elle bien se dispenser de l'écouter et de l'exaucer, si elle vous invitait à la lui présenter, saint Augustin? Comment pourriez-vous croire qu'elle pût rejeter la prière que vous voulez lui adresser, tandis qu'elle vous exhorte elle-même à la lui adresser? Elle ne pourra pas dire non plus que vous excédez dans vos demandes, puisque c'est elle qui a dicté le mémoire, ou la supplique. Vous pouvez donc en toute sûreté aller offrir à la très sainte Vierge votre prière, avec la ferme confiance qu'elle vous prêtera une oreille propice et que vous serez miséricordieusement exaucé. Outre cela, il ne manque pas d'autres preuves pour nous persuader de plus en plus combien la très sainte Vierge agrée cette couronne de prière et avec quelle promptitude elle y répond par une abondance de grâce. Dans les mêmes leçons, citées plus haut, nous lisons que saint Dominique, d'après les instructions reçues de la très sainte Vierge, se mit à prêcher aux peuples entraînés dans l'erreur, en leur enseignant la manière de recourir à la Mère de Dieu par la récitation du rosaire, et ce fut un prodige de voir les fruits abondants qu'il en recueillit. Nous y voyons aussi que les grâces obtenues dans tout l'univers catholique, au moyen de cette salutaire dévotion, furent innombrables. On rapporte, entre autres, l'admirable et glorieuse victoire que les armées chrétiennes remportèrent sur les Turcs, qui menaçaient d'envahir nos contrées, défaits et mis en déroute. Ils furent contraints de prendre la fuite avec une perte considérable. Cette victoire signalée, ainsi qu'on a soin de le faire voir, fut obtenue au moment même, où par ordre du Saint-Pontife Pie V, on récitait le rosaire dans tout le monde chrétien. La même chose arriva une seconde fois, lors de la mémorable victoire que les armées chrétiennes remportèrent sur les mêmes ennemis du non-chrétien, elle, eut lieu, comme la première, pendant que les fidèles, par ordre de Clément XI, étaient occupés à réciter dévotement le rosaire. Ce fut à cette occasion que la fête du très saint rosaire, déjà instituée en faveur de quelques lieux particuliers, fut étendue à toute l'Église catholique, comme elle se célèbre encore aujourd'hui, le premier dimanche d'octobre. Il est bien d'autres faits particuliers, dont les histoires sont remplies, et qui font voir les bénédictions extraordinaires de tout genre que les fidèles ont obtenues par l'intercession de Marie au moyen du rosaire. Je serais trop long si je voulais seulement les énumérer. On en trouve un grand nombre dans d'autres livres. Je me contente d'en rapporter un seul, que je n'ai lu dans aucun livre, mais que je tiens de la personne à laquelle il est arrivé, et qui n'aime pas d'être nommée, du moins aussi longtemps qu'elle vit. Note. Dans la notice historique sur le père Dominique, nous avons émis l'opinion fondée que la personne ou le jeune homme, dont parle le pieux auteur en cet endroit, n'est autre que lui-même, et que c'est à ce trait de sa vie qu'il fait allusion notamment dans la dédicace à Marie, pages 20 et 21 du premier volume. Fin de la note. Il y avait dans une ville d'Italie un jeune homme qui, dès ses plus tendres années, avait embrassé la dévotion envers la Sainte Vierge, Il récitait souvent le chapelet en son honneur, et s'était même fait inscrire dans la confrérie du rosaire, érigée dans l'église des pères dominicains de la même ville. Cette sainte dévotion lui valut une multitude de grâces, celles qu'on va lire entre autres mérite d'être notées pour la consolation de tous les dévots serviteurs de la très sainte Vierge. Ce jeune homme en croissant en âge, ne crut pas également en vertu et en piété, il vint un temps où se laissant aller aux usages corrompus du siècle, il ne s'inquiétait plus guère de son salut, et se contentait de se garder des plus graves excès. Du reste, il menait une vie qui, bien qu'elle pût paraître irréprochable aux yeux des hommes, était loin d'être telle aux yeux de Dieu. Il conservait néanmoins encore quelque chose de bon, c'était la dévotion envers la Sainte Vierge, en l'honneur de laquelle il continuait de réciter souvent le chapelet. Cette reine pleine de clémence eut pitié du pauvre jeune homme, et peut-être faut-il attribuer à son intercession la grâce que Dieu lui fit en le visitant par une maladie mortelle. Il se trouve donc, au moment où il s'y attendait le moins, réduit à la dernière extrémité, et alors, ô Dieu, sous quel horrible aspect il voyait ses péchés se dresser contre lui. Il ne paraissait plus à ses yeux aussi léger qu'il les avait crus pendant quelque temps, mais énorme, peut-être plus qu'il ne l'était en réalité, l'ennemi infernal cherchant d'ordinaire par ce moyen à jeter les pauvres âmes dans l'abîme du désespoir. C'est ce qui arriva au malheureux dont nous parlons. La vue de ses iniquités le saisit d'une telle horreur, que, désespérant d'en obtenir le pardon, il ne songeait plus à recourir à la clémence divine, livré au plus affreux désespoir. Il attendait le moment où le fil de ses jours serait tranché pour tomber au pouvoir des démons, qui lui apparaissaient sous les formes les plus hideuses, et prêts à l'entraîner dans les abîmes éternels. Loin de penser encore à invoquer Dieu ou la Sainte Vierge, il maudissait l'heure qu'il avait vue naître, et jusqu'aux grâces que Dieu s'était plu à lui accorder. Mais, ô prodige, la très sainte Vierge, sans qu'il l'eût invoquée, arrive à son secours, à peine se montre-t-elle que les démons prennent la fuite. Cette Vierge pleine de bonté, après avoir consolé le malade par sa présence, adresse à son divin Fils cette prière, que le malade entendit très distinctement. « Il est vrai, mon fils, que ce pauvre pécheur vous a offensé. Il est vrai que ses iniquités lui ont mérité l'enfer, mais pourtant souvenez-vous que malgré le malheureux état du péché où il se trouvait, il n'a pas laissé de réciter mon rosaire. Par l'amour que vous me portez, je vous en prie, usez envers lui de miséricorde. Je le prends sous ma protection, je m'établis sa caution, j'ai confiance que ce jeune homme changera de vie, qu'il fera pénitence de ses péchés, seulement daignez lui accorder le temps nécessaire pour cela. » À ces mots, elle se tut, le souverain juge daigne exaucer la prière de sa mère, et accorder à ce misérable, non seulement le temps de faire pénitence, selon la demande de Marie, mais une multitude d'autres faveurs, par le secours desquelles il espère aller un jour, dans le ciel, rendre de justes actions de grâce au Dieu des miséricordes, et à Marie, sa très douce et très compatissante mère. Je vous fais maintenant cette demande, quel fut le premier anneau de cet enchaînement de grâce? Ce fut précisément la pieuse et constante pratique de réciter le rosaire en l'honneur de la très sainte Vierge. Voyez combien cette pratique est salutaire, car ce qu'elle fut à l'égard de ce jeune homme, elle le sera aussi pour vous, mon cher frère, dès que vous l'aurez embrassé. Je ne veux nullement dire par là que vous puissiez pécher, vous confiant en cette pratique de dévotion, ni que vous puissiez retarder votre conversion, supposez que vous soyez dans la disgrâce de Dieu, je ne dis point cela. Seulement je dis que si la dévotion du rosaire a été si avantageuse pour ce jeune homme, qui ne songeait pas même à invoquer la Sainte Vierge quoiqu'il se vit sur le point de mourir dans l'état du péché, elle le sera infiniment plus pour vous, si vous avez soin d'accompagner cette sainte pratique des dispositions requises. Je vais donc vous indiquer les conditions que vous devez joindre à la récitation du rosaire. La première et la plus importante condition qui doit accompagner cette sainte action, comme toutes les autres, c'est de la faire en état de grâce, ou du moins après avoir déposé toute affection au péché mortel, c'est-à-dire la volonté de recommencer de nouveau à offenser mortellement la divine majesté. Si vous récitiez le rosaire du bout des lèvres, de telle sorte que votre cœur, tout souillé de fautes graves, conserva en outre un vif attachement au péché mortel, et nourrit la volonté d'y retourner de nouveau. Je ne dirai pas que votre prière fut absolument nulle, et par suite inutile, je me garderai bien d'avancer une semblable proposition, parce que je ne voudrais pas mettre de borne aux miséricordes de Dieu et à celles de Marie. Seulement je dis que vous seriez peu fondé à espérer qu'une telle prière fût profitable à votre salut éternel, et que vous ne pourriez vous promettre de la justice divine l'impunité de vos crimes sous prétexte que, tout pécheur que vous êtes, vous récitez le chapelet. Non, mon cher frère, appuyé sur un tel fondement, vous ne pourriez pas vous tenir assuré de votre salut éternel. Mais je ne m'étendrai pas sur cette espèce de présomption aveugle, que je suis loin de supposer en vous. Si donc vous aviez eu le malheur de tomber dans le péché mortel, hâtez-vous, mon frère, hâtez-vous d'en sortir, ne tardez pas un instant d'en demander pardon à Dieu, faites au plus tôt une bonne confession, rentrez en grâce avec la divine majesté, et alors vous invoquerez Marie avec la douce confiance d'en obtenir les secours qui vous sont nécessaires pour persévérer. Confiez-vous alors en la protection de la Sainte Vierge, mais n'en présumez pas en vous exposant de nouveau aux occasions du péché, autrement vous feriez comme celui qui se blesse à dessein, dans l'espoir d'être miraculeusement guéri. Cela ne s'appelle pas confiance mais présomption, Marie est bien l'avocate des pécheurs, mais non du péché. La seconde condition pour réciter avec fruit le rosaire, c'est, autant que Dieu vous en fait la grâce, l'attention à ce que vous dites, comme à ce que vous faites. J'entends que vous ne vous contentiez pas de le réciter comme par routine, sans réflexion, sans piété, mais que vous le fassiez avec un recueillement et une dévotion dignes de l'action que vous faites et de la prière que vous adressez au ciel. Avant donc de vous mettre à réciter le rosaire, il serait bon de vous arrêter un moment à former en vous-même ces réflexions. Qu'est-ce que je me propose de faire? Je vais présenter mes supplications à Dieu et à la Reine du Ciel, à Marie. Mais qui suis-je, moi? Et à qui m'adressais-je? Quoi, oserais-je, moi qui ne suis que cendre et que poussière, paraître devant la divine majesté? Oserais-je, si impur et si vil, me présenter au regard de la plus pure de toutes les créatures sorties de la main de Dieu? Ah, je devrais m'anéantir en la présence de Dieu et de Marie. Mais dans quelle disposition me trouvais-je? Avec quelle dévotion? Quel respect vais-je me présenter à eux? Voyez ensuite, mon cher frère, quelle est la salutation que vous devez réciter tant de fois, et à qui elle s'adresse. C'est celle que fit l'archange Gabriel à la Sainte Vierge quand il lui apporta du ciel la nouvelle qu'elle était destinée à devenir la mère de Dieu, C'est l'encore que lui adressa sainte Élisabeth. La prière enfin que composa l'Église catholique dans le concile œcuménique d'Éphèse. Lorsque l'archange Gabriel salua la Sainte Vierge, Saint Luc nous dit qu'elle se demanda quelle pouvait être cette salutation. Luc 1, 22. Imitez la Sainte Vierge, pensez aussi à la signification de l'admirable salutation que vous prononcez. On verrait en vous bien plus d'attention, de dévotion et de ferveur, si vous adoptiez cette pratique en récitant le rosaire. En outre, le rosaire est, pour ainsi dire, un composé de corps et d'âme. Le corps est formé de deux oraisons, qui sont le Pater et l'Ave, auxquels se joignent d'autres petites prières, la considération des mystères que Jésus-Christ a opérés pour notre rédemption, et qui sont distribués entre les 15 parties ou dizaines du rosaire, en constituent l'âme ou l'esprit. Ne vous contentez donc pas du corps ou des oraisons vocales, tâchez d'animer, de vivifier ce corps par la considération des mystères de notre rédemption, en joignant la méditation d'un de ces mystères, si vous les connaissez, à chaque dizaine du chapelet. Si vous ne les connaissez pas, cherchez le moyen de les apprendre, et si toute ressource vous manque, arrêtez-vous au moins un instant à réfléchir sur l'un ou sur l'autre, par exemple, sur le crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Cette pratique suffit pour les gens simples qui ne pourraient ni apprendre par cœur, ni méditer les mystères avec ordre. Figurez-vous donc que, vous êtes sur le calvaire, que, vous avez d'un côté Jésus-Christ, suspendu à l'arbre de la croix, agonisant et expirant, de l'autre côté Marie qui gémit au pied de la croix. Unissez votre prière à celle que Jésus en croix adresse pour vous au ciel, et à celle que Marie fait entendre du pied de la croix. Vous connaissez à présent, mon cher frère, la manière de bien réciter le rosaire, et de puiser dans cette salutaire dévotion les fruits les plus abondants et les plus précieux, tels qu'en retirent tous ceux qui le récitent avec les conditions requises. Embrassez donc cette pieuse et salutaire pratique, ne laissez passer aucun jour, ou du moins aucune fête, sans payer un léger tribut d'hommage à Marie, en récitant la troisième partie du rosaire, c'est-à-dire le chapelet. En agissant de la sorte, vous tresserez pour Marie une éclatante couronne de roses odoriférantes, et Marie de son côté vous préparera dans le ciel une couronne de gloire qui ne se flétrira jamais. Markham d'Anarchivorg 2023, d'après Books Google et faire licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.